Ah, dans ma jeunesse, j'étais sûr que je réussirais. J'ai tout fait pour ça. Et ça a marché. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus aussi volontaires. Ce n'est pas le problème. À l'époque, c'était beaucoup plus facile. Il suffisait de vouloir.